franceinter.fr. Alors, l'événement de la journée, c'est tout de même la diffusion en direct ici, dans ce studio 106 de la Maison de la Radio. La diffusion aujourd'hui en direct de l'émission qui a défrayé la chronique pendant toute l'année. À votre écoute, coûte que coûte, c'est parti. À votre écoute, coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana, in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe et Margaret de Beaulieu. Aujourd'hui, Marga, nous partons à la maison, j'ai envie de dire, puisque c'est du côté du Vésinet que nous partons aujourd'hui, Marga, et j'ai presque envie de dire à la maison. Alors, le Vésinet, c'est une commune résidentielle de l'Ouest parisien s'ordonnant autour de parcs, lacs et rivières artificielles desservies par des artères vertes aux arbres plus que centenaires. Mmh. Une ville qui s'orne de quatre fleurs au concours des villes et villages fleuris en 2001. J'ai envie de dire que ça m'a tout l'air d'être un petit coin de paradis. Oui, puisque nous y vivons. Et oui, c'est pour ça qu'on le savait. Qui accueillons-nous du Vésinet? Des voisins peut-être, un couple mystère en tout cas. Alors pourquoi vous n'avez pas eu envie de donner votre identité? Maladie vénérienne sans doute. Non, pourquoi? Ben je sais pas, c'est comme quand on a honte quoi. Je comprends pas du tout, c'est plutôt vous qui devriez avoir honte. Ouh là là, c'est pas très bien parti, dites donc, on va se calmer, hein. Mais nous sommes très calmes, Madame Bretman. Allô? Oui. Allô? Oui. Écoutez, je sais pas ce que vous cherchez à créer comme polémique, mais au moins restez poli. Alors d'abord, bonjour, messieurs, dames. Ah oui. Oui, bonjour, monsieur Lafitte. Allô? Oui. Allô? Oui. Vous pensez pas que la plaisanterie a assez duré? Pardon, qui êtes-vous, monsieur? Eh bien, je suis le docteur Philippe de Beaulieu, figurez-vous, le seul et le vrai. D'accord. Et depuis quand vous prenez-vous pour mon mari, monsieur? Tout simplement depuis que vous vous prenez pour sa femme, madame Bretman. Qui êtes-vous, madame, s'il vous plaît? Je suis Margaret de Beaulieu, la seule, la vraie. Et c'est la psychothérapeute qui vous le dit. D'accord. Pourquoi? Non, c'est moi qui vous le demande, monsieur. De? Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi avoir ainsi usurpé notre identité? Mais non, on n'a pas usurpé... Laissez-moi parler, monsieur. Enfin, vous vous rendez compte du préjudice que nous avons subi depuis des mois avec ma femme à cause de cette émission scandaleuse? Vous savez, tout notre entourage en a souffert. On traverse déjà une épreuve difficile avec notre fille-fils. Oui, on sait. Oui. Pas la ça, peine madame. D'en rajouter et de vous moquer en étalant nos malheurs sur la place publique. Ah oui, non, on n'a jamais voulu étaler... Non. Oui, non, on n'a jamais souhaité faire du mal. Au contraire, on a eu beaucoup d'auditeurs, sinon guéris, du moins rassurés. Je vous trouve assez injuste. Bah, parce oui. De toute façon, j'ai saisi l'ordre des médecins et on verra ce qu'on verra. Ben, on est des acteurs, ça sert à rien. Puis ça pose aucun problème à tous les autres, donc on ne pouvait pas s'imaginer que ça vous posera un problème à vous. Comment ça, tous les autres? Bah, pour toutes les autres émissions, ils n'ont jamais rien dit, les vrais. Les vrais quoi? Bah, le vrai Patrick Cohen, par exemple. Il n'a jamais appelé l'acteur qu'il joue le matin pour le griller. Au contraire, ça l'arrange, ça lui laisse du temps pour France 5. Bah oui, Isabelle Giordano, ça l'arrange bien aussi que ce soit une actrice qui joue son rôle. Bah oui, et puis Philippe Bertrand, Guy Georges, Émile Louis, c'est pour le CSA. Bah, ça l'arrange bien, lui aussi, que ce soit son acteur qui se tape toutes les villes de France. Comme ça, il peut bouquiner tranquillement à Paris. Parce que la province, bonjour. Oui, d'ailleurs, nous, avec Laurent, on a arrêté les tournées en théâtre parce que c'est trop loin, c'est embêtant. Les acteurs qui nous remplacent sont un peu moins bons, mais comme en province, ils voient moins de spectacles, ils ont le regard moins affûté. Du coup, ça passe. Et puis, ils sont tellement contents juste de sortir, ces pauvres gens. Parce qu'ils font rien. Non, je suis très étonné de ce que vous me racontez, là. C'est-à-dire que quand nous avons eu M. Philippe Val au téléphone, il nous a dit... Pardon, Philippe. Docteur. Oui, docteur. À quelle heure avez-vous parlé à Philippe? Docteur. Oui, non, mais Val. Après 19h, puisque entre 5 et 7, je suis toujours seule avec Dietfried. Ah oui, notre dog. Mon dog. Oui. Bon, alors, c'était pas le vrai Philippe Val, hein, c'était son acteur. Puisque le vrai ne vient que pour le déjeuner entre 11h30 et 15h. Ça m'étonnerait parce que c'est lui-même qui nous a dit qui vous étiez vraiment et que vous vous faisiez passer pour nous. Oui, ben, il nous a sacrifié pour se couvrir. Hein. C'est un vieux truc du FBI, ça. CIA, KGB, RG. Meubus, Franquin, Cabu. C'est pour... Le CSA. Ipsos, TNS, Sofres, BVA. Mais vous savez, Marga, oui, il n'y a pas que à France Inter, hein, c'est partout maintenant les acteurs qui remplacent les vrais gens. Alors bon, c'est des intermittents qui ont besoin d'heures, alors forcément, ce n'est pas les meilleurs. D'ailleurs, on a pu le voir, parce que l'actrice qui joue Cécile Duflo, elle a failli louper son entrée, et elle a juste le temps d'enfiler le haut du costume Conseil des ministres, et elle a été obligée de garder son jean perso, elle était mal. Hein. Ouais. Ouais. En effet, le costume, c'est important. Hein. Sans ma blouse blanche et mon stéthoscope, on dirait un usurpateur qui n'aurait fait que sa première année de médecine et qui écouterait toute la journée les grosses têtes sur une aire d'autoroute, alors que même pas vrai, puisque je suis vraiment médecin. Mmh. Ben oui, bien sûr. Oui, oui. Il y a un acteur qui jouait dans Le fil à la patte de Fedot. Et ben, quand il est arrivé au ministère, parce qu'il joue le ministre de l'Intérieur, il n'avait pas eu le temps de se changer. Il était encore dans son costume de marié. Mmh. Alors il s'est dit, ben, c'est pas grave, je suis à l'intérieur, ça se verra pas. Il n'avait pas pensé qu'il venait du dehors. Ouais. Tout le monde l'a vu. Ah ben Manuel Valls était furieux. Il paraît que c'est le comédien qui fait Benoît Hamon qui va le remplacer parce que de toute façon, on les confond tout le temps. Ouais. Ça ferait des économies, ils ont dit. Ouais. Eh bien, toujours est-il que vrai Philippe Valls ou pas, je vous annonce qu'il a décidé de vous poursuivre pour usurpation d'identité et de vous licencier sur le champ. Bon. Oui, et c'est bien fait pour vous, car si vous vous étiez mieux renseigné sur nous, vous ne nous auriez certainement pas caricaturé en ces deux affreux gauchistes que vous semblez être vous-même. Ah bah oh. Non, alors pardon, mais on vous a quand même fait toujours très très à droite, non? Bravo. Ah si, si, c'est la psychote... Ah bah non. Vous ne devez pas avoir la même conception de la droite que nous. Oui, bah en tout cas, il y a une chose sur laquelle on n'a trompé personne, c'est que tous les gens qui nous ont téléphoné, par contre, étaient de vrais auditeurs en détresse. Oui. Bon, c'est bien. Eh ben merci. Ah ben non, c'est vous qui raccrochez, là. Ah bah oui, du coup. Bon, bah à bientôt. On peut vous faire une petite confidence? Toujours. L'acteur qui joue Yann Chouquet, il s'appelle aussi Yann Chouquet. Incroyable. Bon, ben, merci hein, d'avoir été à notre écoute. Coûte que coûte. Philippe, une citation? Oui. Sans la différence entre les hommes, l'identité de chacun disparaîtrait. C'est l'étincelle divine en chacun qu'il faut préserver. Comme l'a dit très justement, anonyme. Au revoir, Marga. Au revoir, Philippe. Docteur. Au revoir, Laurent. Docteur. Ah ben non. Au revoir, Zabou. Ah ben non. Bravo. Un exercice en direct sur le fil de Funambule ici au 106. Bravo. Zabou Breitman, Laurent Lafitte, avec merci, la complicité Yann. De Yann Chouquet à la réalisation. Merci, Yann. Bravo, tout le public du 106 est conquis. On a autour de la table plein de questions à vous poser. Il nous reste heureusement quelques minutes. Vous me remarquez, on a décalé un petit peu l'émission. Mais dites-nous d'ailleurs, qui sont les comédiens qui vous ont aidé? Qui étaient les personnes qui posaient des questions et qui jouaient le... On a un petit paquet, on va vite. On les allez, on parce faut tous les dire. Il faut oui, quand même les saluer. Ils sont censés être... Ah bah oui. Alors, j'y vais. Victoria Abril, Karim Ada, Pascal Arbillot, Alexandre Astier, Liviu Badiou, François Berléand, Charles Berling, Dominique Besnéard, Valérie Bonneton. Patrick Catalifo, Antonin Chalon, Émeric Cormeret, Michel Simès, Clotilde Bézère, Jennifer Decker, Marianne Denicourt, Nathalie Dessay. Mélanie Doutel, Léa Drucker, Judith Elzen, Guillaume Gallienne, Caroline Gons, Sam Carman, Valérie Kérusoré. Gilles Lelouch, Alain Langlais, Leslie et Louise Boyer, Guylaine Londez, Nicolas Lormeau, David Mijot, Christine Millet. C'est presque fini. Christiane Millet. Sandrine Mollaro, Valérie Nègre, Dominique Pinon, Juliane Roth, Michel Sebag, Omar Sy, David Talbot. Delphine Théodore, Cyril Touvenin, Véronique Vella, Karine Viard, François Vincentelli, Elisabeth Vitali et Elise Moon. Bravo. Il fallait bien sûr les citer, la liste de tous les comédiens qui ont joué le jeu toute l'année. Oui. Moi, je me rappelle, en écoutant l'émission, j'avais reconnu la voix d'Omar Sy, mais tout le monde n'avait pas reconnu, n'avait pas distingué cette petite supercherie, ce jeu radiophonique que vous nous avez proposé pendant toute cette année. On est ensemble pour en parler tout autour de la table. On a envie de savoir quand même un petit peu les coulisses de votre écoute coûte que coûte. Comment ça s'est passé? Quelles sont les réactions qui vous ont le plus étonné au début? Le cerveau malade de qui tout ça a germé? Voilà. Qui a eu l'idée? qui a fait naître les Beaulieu. Et les réactions les plus étonnantes, Laurent Lafitte. On a écrit les personnages ensemble. Philippe Val, après mon one man show, en fait, voilà, m'a demandé de lui proposer un concept et j'en ai parlé avec. Avec Zabou, et on a créé les Beaulieu, on a fait leur fiche signalétique, leur petite bio, et puis on a décidé d'en faire deux spécialistes qui se prétendent... Vous êtes inspiré de qui pour inventer Philippe et Margaret? C'est un mélange de toutes les réactions qu'on peut entendre dans les directions de bistrot, de comptoir, et puis de... C'est des souvenirs du 16e arrondissement aussi. Entre autres, mais c'est pas que... Et quand vous avez vu au début que les réactions étaient parfois violentes, parce que les premières réactions étaient très violentes, comment c'est vous normal. Avez réagi par rapport à ça? On était rassurés que les réactions soient violentes, parce que c'était censé provoquer... c'était censé souligner... Quand elle trouvait ça normal, ça aurait été... Ah, il demandait le retrait de l'émission. Parfois, la violence se situe à des endroits étranges, sur nos fautes de français, sur nos, évidemment, volontaires, et pas forcément sur le discours même... Vous n'avez pas été perturbé qui ne distingue pas le second degré, parce que c'était quand même C'était flatteur. Assez évident. À la limite, oui, non, ça c'est... Mais c'est vrai, ce qui est plus violent, c'est quand on relève une chose à l'intérieur d'un sketch qui est finalement assez anodine pour ne pas aller pointer quelque chose d'assez atroce et ne pas... Je veux dire, si les personnes pensent que c'est vrai à ce moment-là, moi, je mettrais une bombe, quoi. parce que c'est inadmissible, là, des horreurs absolues qui passaient, en fait, beaucoup mieux que la faute de français. Mais ça, c'est pas tellement vrai. Il y avait une histoire du don d'un rein. Où on avait beaucoup plus relevé que tu connaissais pas le terme en tant que médecin. Ah oui, de la nécrosion. Il disait une nécrosion. Je disais mégrosion, la mégrosion. Nécrosion. Une nécrose. Voilà. Qu'on achète un rein à un chinois, ça personne. Ah oui, quand même. C'était normal, c'est l'offre et la demande. Qu'est-ce que vous voulez, ma petite dame? Et ça c'est assez violent. C'est perturbant. Ouais. Et vous avez ri en faisant les chroniques. Est-ce que vous vous mariez beaucoup en faisant les chroniques? Ou au contraire, vous étiez super concentré, super sérieux? Les deux, mon général. Ouais. Vous avez eu des disputes de couple? On a beaucoup. Ah bah oui. Oh oui, enfin, de travail. Des disputes, de travail, non, on était... C'était 4-5 heures pour en écrire un, à peu près. Et il y a des domaines que vous êtes interdits? 4-5 heures pour écrire une émission. Parce que c'est très, très écrit, en fait. Il n'y a pas du tout d'impro. Tout est très écrit, les temps, les silences, tout est très... Et il y a des domaines que vous vous êtes interdits? Parce que quand on voit le panel des thèmes que vous avez abordé, entre le handicap, entre la dépression, c'est ça qui est formidable. Le départ en Israël. Est-ce qu'à un moment où vous avez dit... Jusqu'à la zoophilie, oui. Il y a un moment où vous avez dit ça, on ne peut pas? Non. Jamais. C'est bien, ça. Non, il faut être clair, nous, dans notre ligne de morale. Il faut que la ligne de morale soit absolument impeccable à partir de ce moment-là. Si nous, on est clair dans ce qu'on pense, on peut aller très, très loin. Mmh. Mais là où ça marchait, c'est que c'était sous-tendu par une espèce de philosophie New Age un petit peu. Et c'est ça le plus terrible. Mais oui, mais à la limite, c'était le lien qui pouvait vous tenir, parce que aujourd'hui, on est quand même dans le retour des prédicateurs. On est dans un monde de dingue, hein, quand même. Je veux dire, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est en train d'arriver chez nous. Oui, mais c'est la vérité. Et il y avait cet aspect, ça va pas bien. Donc c'est comme ça. Réfugions-nous vers des valeurs qui, certes, ont quelque chose de... Mais donc, moi, des fois, je me laissais carrément embarquer. Mais morphopsychologie de Philippe de Beaulieu, qui définir des gens par leur... s'ils sont prognates, ils sont un peu menteurs aussi. Mais, je veux dire, ça, alors, donc ça fait rire quand c'est comme ça, mais on l'a finalement en essence ou d'une manière homéopathique. On l'a beaucoup, partout, dans plein de petites choses. Il faut faire très, très attention. Est-ce qu'il y a des auditeurs qui vous avaient reconnu? Oui. Oui, plein. Ah ouais, plein. Il y a des auditeurs aussi qui ont voulu vous faire un procès, hein, carrément. Ah, oui, pas vraiment. Ça, c'est quand ils ne savaient pas que c'était... Ils faisaient un procès au de Beaulieu. Ouais. Ouais, oui, bien sûr. Oui, ça va. Ça, c'est quand ils ne savaient pas que c'était... Bah, les vrais Beaulieu nous en veulent beaucoup. Bah, vous avez... Les vrais Beaulieu ne sont pas contents puisqu'ils nous... Et techniquement, comment vous faites? Ça tombait par terre. Là, je vous regardais les dialogues qui sont pas enregistrés. Ça veut dire quoi? C'est des samples? Comment ça marche? Non, ils nous ont envoyé le truc et on l'a fait au rythme. Et c'est vous... Sauf un truc, et on a répété comme ça. On a un repère qui était envoyé, le reste. Et on a répété après, et sinon, Yann nous envoyait. Ça a été un formidable exercice de le faire en direct, et j'imagine une satisfaction pour vous d'entendre les applaudissements des auditeurs du studio 106. Merci, c'est pour ça les applaudissements. Bravo. Merci, Zabou Breitman, Laurent Lafitte. Merci. Et puis, puis j'en profite pour remercier encore votre réalisateur, Yann Chouquet, oui. Notre réalisateur, Lilian Alloum, et bien sûr, oui. Tous les collaborateurs de l'émission, les techniciens, les éclairagistes, le service d'accueil, les ingénieurs du son, les assistants de plateau, tous ceux, bien sûr, qui ont travaillé sur cette émission. Merci à tous. On vous retrouve bientôt au théâtre et au cinéma, avec plaisir. Laurent, oui, je voulais juste te dire, par rapport à votre écoute, je voudrais remercier beaucoup Philippe Val pour sa confiance et le fait qu'il ait découvert les épisodes uniquement au moment de leur diffusion. On a eu une liberté totale. Et voilà, c'était un pari assez insensé et c'était extraordinaire. C'était bien. Merci à Philippe et à Laurent. Très bonne journée à tous les auditeurs de France Inter. Merci encore à vous. Et tout de suite, bien sûr, vous retrouvez les carnets de campagne. Je rêvais de la dire, ça, depuis longtemps. Les carnets de campagne de Philippe Bertrand. C'est son acteur qui le joue. Ça faisait longtemps. C'est son acteur. Bien sûr, l'acteur. Son acteur s'appelle Bertrand Philippe. Ce n'est pas le vrai Philippe Bertrand. Mission réalisée par Marie-Christine Thomas. Allez, salut à tous. Très bonne journée. Ciao. Merci Isabelle.